De la Bébélière à Thérèse le 7 juin 1897. À ma sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, Pax. Ma bonne et bien chère sœur, je n'ai jamais chanté avec plus d'enthousiasme qu'hier la première strophe du Cantique de l'Amour. En aucun jour, je crois, il n'avait plus d'à-propos, c'en était d'ailleurs la substance, puisqu'il trouvait sa place dans l'Évangile, mais pour moi, il avait une grâce de plus, hier, ma bien chère sœur, à l'heure même où le Saint-Esprit descendait sur les apôtres avec sa lumière et sa force, je recevais ses ordres, de la bouche de monsieur mon directeur, autrement dit, je recevais une décision presque définitive de ma vocation et j'entendais ceci, vous avez une vocation sérieuse, à laquelle je crois fermement et dans laquelle Dieu manifeste singulièrement sa providence. Avec 1000 chances de perte, il vous en donnait 10 000 de salut, de plus, de vos vœux missionnaires, la carrière est ouverte, allez. Et je vais partir, ma chère petite sœur, je passerai ces vacances dans ma famille et le 1er octobre j'arriverai à Alger pour faire mon noviciat à Maison Carrée, chez les Pères Blancs. Le seul obstacle que je prévois viendrait de Monseigneur l'évêque. J'ai besoin de son autorisation et quelquefois il fait des difficultés, d'autant que, cette année, plusieurs demandes lui sont adressées en vue de diverses congrégations. J'ai eu le bonheur de contribuer, au choix des missions africaines des Pères Blancs, pour un de mes confrères que j'emmène. Relativement à la décision qui m'est donnée, je suis tranquille et heureux, car mon directeur m'assurait que même si je ne lui avais manifesté mon désir d'émission, il m'y aurait envoyé, en sorte que si plus tard, il m'arrivait de sentir quelques défaillances, découragements, ce qui est presque inévitable au début, je serais dans la joie, comme saint Paul au milieu de ses tribulations, parce que j'aurais conscience de faire la volonté de Dieu, et je vous serais aussi près de moi, ma sœur, par votre charité fraternelle, qui ne sera pas le moindre soutien, de ma pauvre âme, vous me l'avez promis, même après l'exil, vous serez là et je n'ai pas peur. Adorons Dieu, ma sœur, remerciez-le avec moi, moins que tout autre, et je vous prie de le croire, je méritais cet honneur que je ne considère qu'en tremblant et cet amour de Dieu m'effraie un peu. Pourtant je veux que la confiance l'emporte et me donner sans réserve, c'est d'ailleurs ce qu'il m'a été demandé, mon père m'a dit, il faut vous donner complètement à Dieu qui vous demande tout, vous ne pouvez être à son service à demi, vous serez bon prêtre ou rien, c'est mon sentiment et je veux donner sans compter, étant bien sûr, que lorsqu'on aime on ne calcule pas. De sorte qu'en mettant le pied sur le sol africain je puisse continuer, j'ai tout donné, légèrement je cours, je n'ai plus rien que ma seule richesse, vivre d'amour. Ce sera un rapprochement de plus avec ma petite sœur, vous me disiez récemment, je sens que nos âmes sont faites pour se comprendre, il me semble à moi aussi et, comme je suis un peu superstitieux à l'égard de la Providence. Je ne puis m'empêcher d'établir de ces rapprochements, mais aussi combien de dissemblances. Permettez-moi de vous en communiquer quelques-uns en toute simplicité, ces mêmes désirs, âme, apostolat, vous êtes avant tout apôtre, il me semble, ce besoin de dévouement à une cause sacrée. Vous aimez celle de Dieu et de l'Église, mais aussi n'est-ce pas la France, le pape? Et s'il vous avait été donné de porter l'épée pour l'un ou pour l'autre, vous l'eussiez fait. Je vous avoue que moi-même j'avais d'abord pensé aux armes terrestres, ce n'est que vaincu, après une lutte de bienfait et de grâce, par le Christ que j'ai capitulé, tout en gardant au cœur un ardent amour pour ces chers objets, et, tenez, s'il survenait une guerre, que le pape rappelasse vaillant, il me semble que je serai des premiers. Une de mes joies là-bas sera aussi de travailler pour la France, tant qu'il sera en mon pouvoir et en mon devoir. Toute jeune, ma chère petite sœur, vous avez été sevrée des caresses maternelles. Voyez, je n'ai pas connu la mienne, bien plus, elle est morte à cause de moi. Jusqu'à 10 ou 11 ans, j'ignorais ce malheur, recevant d'une tante le dévouement et les caresses que je croyais maternelles tant elles étaient douces et bienfaisantes. Aussi j'appelais mère cette sœur de ma mère et mon cœur souffrira autant qu'il aurait souffert si j'avais quitté ma mère, pour l'apostolat lointain. Je vous la recommande, ma bonne petite sœur, chaque jour je pense à votre père, à votre mère mort aussi, mon père, il est mort aussi, toute ma famille est maintenant toute spirituelle, mais, je crois, je n'y suis pas moins attaché. Je ne serais pas surpris que nous ayons aussi les mêmes dévotions. C'est le Sacré-Cœur qui m'a converti, après combien de sottises, de lâchetés, les belles années, celles que Jésus aime davantage, je les ai gaspillées, sacrifiant au monde et à ses folies les talents que Dieu me prêtait. Mais la Sainte Vierge, Notre-Dame de la Délivrance que vous connaissez sans doute m'a été aussi d'un bon secours. Saint Joseph, il m'a reçu dans sa garde d'honneur, et je demande beaucoup à l'amitié des Saints Paul, Augustin, Maurice, Louis de Gonzague, François-Xavier et des Saintes Jeanne d'Arc, Cécile, Agnès, vous les avez chantés. Geneviève, c'était une vaillante et elle est encadrée par votre naissance et votre baptême, 3 janvier. Thérèse, c'est surtout depuis que je sais cette sainte patronne de ma chère petite sœur, Marie-Madeleine, la pécheresse devenue si aimée de Jésus. Il y a bien aussi les chers apôtres ou martyrs tels que Père Boire, Vénard, de Bretonnière, Chapdelaine, etc. Sûrement vous connaissez tous ces habitants du ciel. Et maintenant, chère sœur du bon Dieu, je vous dis merci pour l'envoi de vos dates sacrées, et je suis heureux que cette lettre vous parvienne à l'anniversaire d'une mémorable. Pardon de vous avoir contristé dans ma dernière lettre, excusez-moi, je suis si grossier, si brutal, au moins, n'accusez pas la volonté, ni le cœur. Merci aussi des noms de la future filleule, ils sont ceux que j'aurais choisis moi-même. J'accepte avec la même simplicité la comparaison du père de la Colombière et de la bienheureuse Marguerite Marie. Avec des restrictions, car j'aurais bien envie d'intervertir les rôles, si je ne craignais de vous faire de la peine encore. C'est suave et divin cet épanchement du cœur de Jésus et de ses aimés, que je dois vous ennuyer, vous distraire, ma vaillante et chère petite sœur avec tout ce verbiage, dans lequel il me semble que je parle de moi à outrance, pardonnez, moi, en vérité, je vous assure, je suis un misérable, et il faut que vous soyez là pour que Dieu m'aime encore, je compte qu'il vous récompensera, je le lui demande ardemment. Ma bien chère et bien bonne sœur, je suis pour toujours votre reconnaissant, mes indignes frères, M. Barthélemy Bélière. N'ayez crainte, ma sœur, je suis trop jaloux de la grâce de Dieu qui m'accorde le bienfait de vous l'être pour qu'aucun profane n'en pénètre le secret. Marc M. Dan, archive.org. D'après Archive Carmel de Lisier.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.